Ma rue à Aix-en-Provence, rue où Alferin, ancien carriero longo Saint-Jean en Provençal. C'est un jeudi d'été, il fait trop chaud, il n'y a pas trop de touristes aujourd'hui. Des jeunes qui passent en trottinette, vélo, à pied. Une rue provençale. Et cette rue, je crois, ça va me manquer.